Yeah. Yo. Yo. J'aime pas les phases de merde. Et va pas croire que je l'aurais fait si j'avais du temps à perdre. Tu sais même pas quand j'ai un truc important à faire. Trouver un endroit où t'es pas là à me pomper l'air. Faut que j'aille au frigo chercher une canette. Faut que je trouve un vélo. D'ailleurs en parlant de ça, t'as pas un pet s'il te plaît. T'es pas n'importe où. Ce soir c'est la fête. Mais ne me parle pas trop s'il te plaît. Tu prends la tête moi. Je vais aller bouger les bras. Brûler les gras. Manger aller sur de la fin. Quelques de bibas peloula. Donc bouge de là. Bout de vodka, moi je ne risque pas. Non, je ne suis pas bout des flics. Je suis qu'un type normal, il paraît. Mais j'ai la saveur, un type banal. Mais je viens d'ailleurs, je kiffe sale, tu le sais. Demande à ta soeur, je suis qu'un type normal, c'est vrai. Mais le meilleur. Yo. On veut du hip. Et puis du hop, un peu. Moi je veux du hip et puis du hop dans les oreilles, du poum chakaraka poum poum dans les tympans, du son qui surprend, du son qui réveille, du fun, du pun, du zouk, du son qui détend. Appuie sur play et décolle aussitôt, bouge la tête comme le fait le point sur un silo. De base en haut, de haut en bas, et tu t'en bats les couilles tant que le son est là, tu t'en bats. Yo. Là le son est là, tu m'en mal. Comment veux-tu pouvoir prêter de la thune sans maille? Comment respirer la joie, esquiver la loi? Ça va toi, d'ailleurs tu deviens quoi? Ne me sens pas de mytho, genre va de quoi passer, jour prolongé au comico. Car tu sais quoi, tu n'as que l'odeur du psycho. Donc baisse les bras et va plutôt laver tes chicots. Tu n'es qu'un ego, tu pensais me dominer. Va donc jouer au domino avec tes cheveux gominés. Tu n'es qu'un minot, Chichi et moi gominé. Comme Bernino, elle je bouffe un oiseau au dîner. J'ai pas terminé, juste ouvert le robinet. Je tiens le micro et je suis large pour te piner. Bande dessinée, je pèse le mot. Donc prépare-toi à halluciner. Tu fais ce dégo? Non, c'est du ciné. Tu check des gros et la ferme avec ta dulcine. Tu testes mes bros? Non mec, c'est faux, je te pète les os. Ton numéro perso du kiné. Je vais t'exterminer, te faire du mal de ruiner. Te brancher au 220 volts et tu vas t'illuminer. Car pour dominer, faut saigner le flow. C'est léger et gros, je fais le déchaud. Moi je suis calciné. Okay. ça fait bidi bidi bo, bidi bo, bidi bo, ok. Vas-y sur la rime comme un champion de bille, ok. Ok, bon, peut-être mieux que tu t'en ailles. Vite maintenant, je l'ai, tu peux dire adieu au moins. C'est comme ton père, tu me l'as donné. Tu veux faire ton dos, donner c'est donner. Tu veux le reprendre, j'ai fait du judo, champion de Mikado. J'ai jamais fait d'aïkido, mais viens me chercher. Je te ferai pas de cadeau. Éclatant pour aujourd'hui, c'est mort. Donc je mets le son fort et le lyrique, c'est tapant. Et pas tant en partant, je te le dis, j'ai pas le temps pour la monnaie, pas le temps pour les bijoux, pas le temps pour déconner. Je peux en trouver pour un bisou, pas le temps pour les trophées. Puis j'ai pas les jambes de zizou, tu prends pour un gros bonnet. Moi j'ai pas le temps pour les filous, puis j'ai pas le temps pour déconner. T'as pondu un 16, mais moi je te nique tellement papy. Pardon pour l'inceste, pardon si j'insiste. Mon son un zeste, il tabasque au wasabi, ça pique, mais vas-y, résiste. Tu veux du bas. Non, j'ai pas le temps, je vous narrate ma vie, mais bon j'ai pas le temps. Tu veux que ça aille vite, t'es fanatique. Le rap c'est pas de la magie, tu t'agites et moi j'ai pas le temps. Non, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. habite tellement posé que je pourrais tous les nombres de voyelles comme tous les noms de demoiselles qui t'ont rendu naze et t'aimes ma tête de bébé. Elle, je pourrais kicker des consonnes, elle parlerait d'elle-même, je te promets, ça choquerait personne. Je ferais des trucs et puis des gros je suis un lion, pas un chat, si tu veux voir, moi je te crie. Je suis un lémonet, pas un symphonème, oh mais, et en mien, je kiffe des sons quand ça fait sens, je m'arrête. Et puis je repars aussi sec qu'après le litre de pastis que t'as bu sans eau et que sec. Tu sais que je traîne avec des gars plutôt foulés que fait que fuck. Tu voulais nous péter les steaks, mais belek. Le but de bon mic t'électrise, le hot de fatte te maîtrise, te méprise. Tu crises quand je te vexe, mais please, Philippine, Ouzichi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et l'espoir fait vivre. Donc le serpent sonore la queue et trouve du plaisir. Il serait peut-être temps pour toi, mon vieux, et tes goûts de périr. Ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, pas de problème. Je continue quand même d'informer les mots, histoire qu'ils collent à mes phonèmes. Et quand je suis sur scène, bonne vibration j'amène, ainsi qu'un peu de weed en général caché dans mes veines, ou dans le sport que j'ai au bec, car on balèque. C'est Bill Bowman qui c'est pour toutes les gars et tous les mecs. Et puis je ferme ma gueule pour rester correct et m'enfuis sur un clin d'œil quand il est temps que je m'éjecte à les salles. Je ne rappais que devant ma glace. Alors monte le son dans ton casque. Explose tes dents comme un torse. Monte le son de tes assemblées. Fais bouger tes voisins de force. Mets donc un peu plus de volume pour apprécier le charme de cette goutte de bitume tombée sur un chemin de campagne. Tombée sur un chemin de campagne. Désolé, mais je vais pas t'attendre. Je manie les lettres mieux que maître Capello. Il rêve d'être un jour sacré maître à Capella. Tu vois, toi, je suis au-dessus, un œil sur toi. Quand tu dors la nuit, je me balade sur les toits. Je nettoie les inconscients incognito. T'as l'esprit ouvert, j'y glisse un cogito. Un Chomsky Coca pour mon ami au lieu de sa coco. T'as kiffé la morphine, écoute ça, coco. Ouais, vas-y, continue à kiffer. Quand je m'insinue, voilà l'allumer. Décidé du sud et assidu. Sorry, I'm late, panne de réveil, dommage. Il était temps que je m'y mette quand je vois ce qu'il y a dans les parages. Mais là, je me lève et je suis motivé. Donc, s'il faut prendre la relève, ça y est, je suis arrivé. Ça y est, je suis là. Et en plus, l'ambiance est posée. C'est très bien dosé. Encore un freestyle, cachez pas de quoi je vais causer. De ma gueule, comme d'abord, que je connais le sujet. Un petit bois en train de cuire qui se dit, je me suis fait gruger. Je crois pas en Dieu, donc personne ne peut me juger.